Vincent au moment, la linga qui y a, Vincent au moment, et la naïe ni y a, Olingo et Salaki, donc à Boilie, Olingo et Sili, donc au maquillé, donc à la famille, à mon kini grand c'est boyé. Vincent au moment, ton mécène qui, et la ton comillé, bénim na bénim. Oko selingai bakambo na figio osundo lingai na mboka kisasa motema na yoye etindi yo babe ombo ingaye poda mwasa mosolo angala weyo besa obago okanisa bambanda na yoye besa batelengana Kufeli yoye, kaila leliye, kasambwisi zoto Koya kia wae, eho mboka mboka Besa motema e kanisanga Eba! Olingo esili, toko makiye, toko la fami, na mokini gose boye. Vesa omago, tome seleki, tela toko miye, bendim na bendim. Oko selingai, makambo na pingiyo, osundo lingai, na mboka kisasa. Motema na yoye, etindi yo babe. Obo inga ye, poda mwasa mosolo, anga na weyo. Na kofuta tike, na zonga na poto e. Na kozuwa mamilyo, bali nga ngala mibalyo. Na tongi sababu indi, paye bate na zuwinde mosolo. Senga Mose, ati yanga na jounala, paye ba na koki. Na kofuta bato, paye ba te na tonisi, baba ke na dimi. Mon chéri o vensa, na koka mwa mingyo, bibali ya kongo. Futa bato, paye bate la tonisi, baba ke la dimi.